Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Les régates de Saint-Félicien, un événement rassembleur, un week-end enlevant. Ici Régent Côté, l'équipe de ProNetGus est heureuse de soutenir l'organisation des régates et vous invite à participer aux nombreuses activités. Plus de 75 hydroplanes et des pilotes de partout en Amérique se donnent rendez-vous à Saint-Félicien. Bravo aux bénévoles des régates et bienvenue aux visiteurs. Les régates de Saint-Félicien, les 22, 23 et 24 juin, une invitation de ProNetGus, Régent Côté. Quand c'est pro, c'est net, c'est pro net. Un mini tremblement de terre est survenu vendredi soir vers 21h parce que les gens sont en beau maudit. Alex Galchenyuk a été échangé au Coyote de Phoenix en retour de Max Domi, qui est le fils de Ty Domi. On en parle avec notre collaborateur Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, as-tu été surpris? Ben oui et non. Hein, dans le cas de Galchenyuk, à quelque part, on savait que Marc Bergevin a tout fait l'an passé pour l'échanger. Finalement, il n'avait pas trouvé preneur, mais quand on parle d'attitude, c'est probablement que lui a été identifié là-dessus. Là. Ben, c'est sûr et certain là, que ça fait une couple d'années que ça broute un peu là, pour Galchenyuk à Montréal. On n'y a jamais trouvé une chaise où il pouvait vraiment là, se laisser aller là, avec son plein potentiel. Alors, ça devenait quasiment inévitable là, qu'on cherchait à peut-être à l'envoyer ailleurs puis de ramener un nouveau souffle dans l'équipe. Là. Alors, c'est sûr que moi je trouve qu'il est toujours tôt pour évaluer une transaction. Là, lorsqu'on la complète, qu'il n'y a personne qui a donné de coup de patin d'un côté comme de l'autre dans sa nouvelle équipe. Sauf que si on regarde ça froidement, puis on regarde le talent pur et brut là, des deux joueurs. Moi, je pense que Galchenyuk là, vaut plus qu'un Domi. Ben, c'est clair. Puis moi, ce que j'en ai, Marc, c'est que le Canadien, 29e en attaque l'an passé. OK, tu vas me dire que c'est pas juste l'attaque. Hein. Combien de fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas de défenseur pour sortir la rondelle de la zone? Ça, c'est un facteur. Donc, puis en plus de ça, ben, tu changes un gars qui a déjà marqué 30 buts. OK, 30 buts, puis 19 dans une course perdante. Je suis bien d'accord avec ça, quand le Canadien était sûr de ne pas faire les séries. Mais par contre, le talent était là. C'est ça qui m'inquiète le plus. Si t'es 12-13e en attaque, en tout cas, tu peux dire ouais. Tu peux dire que c'est une bonne amélioration. Parce que des joueurs d'énergie, là, que, style Max Domi, il y en a. Il y a Gallagher et Andrew Shaw aussi. Fait que, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben c'est peut-être la nouvelle identité que le Canadien veut se donner. Sauf que, tu vois-tu, Danny, c'est un peu un couteau à deux tranchants, dans le sens que si tu finis 29e au classement, puis tu fais rien, là, le monde va dire, ben là, on finit 29e, puis il a pas bougé, il a pas essayé de s'améliorer, puis il est resté au statu quo, on n'est pas sorti du bois. Mais d'un autre côté, tu sais, c'est quand même une production qui... C'est un joueur dangereux, là, Galchenyuk. C'est un gars qui peut, il joue à son plein potentiel, tu sais, même que l'année qu'il a été repêché, là, c'est parce qu'il avait été blessé à une jambe, là, à son année de draft, parce qu'il aurait pu facilement sortir premier overall, là, devant Yakupov. Alors, tu sais, c'était vraiment un grand potentiel de joueur, là. C'est juste que à Montréal, là, c'est un peu plus difficile, on le sait. Hein. Il y a plus de pression, les médias sont plus sur ton dos. Alors, est-ce qu'il y a eu un mauvais passage avec le Canadien? Je pense pas, parce que statistiquement parlant, il y a quand même eu de bonnes statistiques, si on le compare avec les autres joueurs qui ont été repêchés à son année de draft. Alors, c'est un joueur qui a quand même accompli certaines choses. On connaît son plein potentiel. On aurait aimé qu'il l'exploite plus, mais ça n'a pas été le cas. Ouais. Alors, est-ce que l'avenue de Max Domi va changer l'image du Canadien, en tout cas, on l'espère, mais c'est plus un joueur de caractère qu'un talent peu comme Galchenyuk. Effectivement. Ce qu'on dit à travers les branches, Marc, puis tu sais quelque part, tu évolues dans une équipe junior, ce qu'on entend dire de gauche et à droite vraiment, c'est que son père prend beaucoup, beaucoup de place dans la vie d'Alex Galchenyuk. Puis ça peut est-ce que ça peut être un problème pour un joueur? Ben oui, ça peut être un problème. C'est sûr, ça t'est rendu quand tu t'es passé la vingtaine puis que ton père a encore une influence sur toi. C'est sûr et certain que c'est néfaste. Là. Il faut qu'un gars soit capable de voler de ses propres ailes lorsqu'il arrive, spécialement qu'il arrive dans le pro. Mais tu sais, hein, c'est. Moi, j'ai rien, là, tu sais, mettons contre les joueurs russes, puis regarde, à Washington, ils nous ont fait mentir parce que les joueurs clés de Washington, hein, ça a été Ovechkin, puis ils ont eu Kunitsov aussi qui était extraordinaire dans les séries. Puis moi, là, Danny, je l'avais vu jouer, moi, dans les moins de 18 ans. J'avais été le voir jouer à l'époque parce qu'on regardait pour à Chicoutimi pour amener un joueur européen. Là. Ouais. Puis lorsque j'avais été au moins de 18 ans, là, ça avait été le meilleur joueur et de loin sur la glace Kunitsov, mais on y avait toujours un petit point d'interrogation. Tous les dépisteurs disaient, ouais, son attitude hors glace, il a l'air d'être fou un peu, fou, là, tu sais, il a l'air de voir s'amuser, il a pas l'air sérieux, alors. Il y a beaucoup d'équipes qui avaient passé par-dessus parce que ça y faisait peur. Alors, un gars comme Galchenyuk, est-ce que c'est un peu la même chose? Son hors-glace fait peur à bien du monde et peut-être que pour ces raisons-là, ben, ça lui a peut-être enlevé un peu de valeur. OK. Dis-moi, aussi, moi, ce que je reproche aux Canadiens, c'est pas l'avoir, tu sais, c'est de l'avoir mêlé un peu. Tant... Écoute, ça faisait 4 ans qu'il était avec les Canadiens, on sait même pas si c'est un centre ou un nain. Ça n'est pas un joueur non plus, ça, là. Non, ça n'est pas un joueur, mais tu sais... Moi là-dessus, là, un joueur, un vrai bon joueur, là, t'sais, un gars, là, il va se retrouver à l'aile, il va se retrouver au centre. Ça devrait pas être un point majeur. Je comprends que, regarde, moi, j'ai été un joueur de centre. Regarde, j'ai été un joueur de centre toute ma vie, moi. Mm. OK? Puis à un moment donné, quand je tombais avec les Nordiques en 88, on m'a fait jouer à l'aile droite. Ouais. T'sais, j'ai. Jouer à l'aile droite avec sa kick puis au centre, puis jouer à gauche. T'acceptes un peu plus de jouer à l'aile droite, comprends-tu? Alors, ouais. Quand t'as les éléments qui... Moi là, je suis plus d'Anny pour trouver une chimie avec des gars. Mm. Puis si ta chimie, là, admettons, là, c'est trois joueurs de centre que vraiment ils ont une chimie ensemble. Mais Colin, fais-en jouer deux à l'aile, puis un au centre, puis... C'est bien plus important la complicité, la chimie que les joueurs vont avoir sur la glace que je dois jouer absolument ma position. Tu comprends-tu? Ouais. Moi, je me suis pas trop plaint. J'étais un joueur de centre de ma vie, mais je travaillais à l'aile droite avec Sakic. J'ai compté 20 buts cette année-là. Je pense que ça m'a pas trop dérangé de jouer à l'aile droite. Tu comprends? Alors, c'est un peu ça. Il faut que ces joueurs dominants-là soient capables de jouer, peu importe la position qu'on leur demande de jouer. Il faut qu'ils soient capables de répondre aux attentes. Puis, mais c'est sûr que ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il n'y avait pas de rôle précis avec le Canadien. OK. Tu t'attends à quoi maintenant de cette semaine? Est-ce que tu t'attends que Max Pacioretty va partir? Bien, si le plan du Canadien, c'est de faire le ménage puis de repartir à zéro puis de rebâtir leur équipe, il faut que tu fasses. Tu peux pas faire une moitié de coup de balai là, parce qu'il va rester de la poussière. Là. Fait que tu dois faire un grand coup de balai, puis tu dois continuer ton plan, si c'est ça le plan, et tu dois le faire, tu dois pas t'arrêter à mi-chemin, mais je sais pas, là, c'est quoi le plan de Marc Bergevin, alors est-ce qu'il veut juste essayer là de pas trop faire un gros trou chez les Canadiens, parce que là, si tu enlèves Galchenyuk, puis après ça, tu enlèves Pacioretty, tu enlèves quasiment presque la moitié de la production des buts à l'avant, là, alors... Puis je reviens au 29e, c'est sûr que le Canadien va probablement prendre un joueur offensif. Moi, je m'attends que ça va être Zadina. Ce serait pas mon choix, mais moi, je m'attends que ça va être Zadina. Moi, tant qu'à moi, là, Marc, on en avait parlé dans une autre chronique. Si je suis capable de reculer de un ou deux ou trois rangs, puis aller chercher le Finlandais, là, le joueur de centre, qu'on dit que c'est un de ses copiteurs, c'est capable d'avoir un autre choix au repêchage. C'est pas mauvais, là, parce qu'on dit que de 3 à 11, c'est pas mal pareil, là. Ouais, mais tu sais, Danny, c'est... Ouais. Nous autres, là, on fait nos gérants d'estrade. Oui. C'est une boule de cristal, là. Qui dit que Zadina ne deviendra pas tout un joueur de hockey dans la Ligue nationale? Qui dit, tu sais, c'est comme c'est là, le qu'est-ce qui arrive s'il se recule? Il prend le Finlandais, puis le Finlandais avec des fois marchandises, puis Zadina, il connaît une saison extraordinaire. T'sais, nous autres, on fait de la spéculation, là. Mm. Alors, les gars de hockey, eux autres, qui ont suivi, les dépisteurs qui ont suivi ces joueurs-là de près, tu sais, eux autres, ils sont plus en mesure de juger quel joueur qui va être le plus profitable pour l'équipe. Okay. Marc, on se reparle très, très prochainement. J'ai l'impression que là, c'est cette semaine et la semaine prochaine. On a pour les trois prochaines semaines, là, on va savoir ce qui va se passer avec les Canadiens, j'ai l'impression. C'est, ben, ça, à 90% l'équipe va être faite. Oui, ben, en tout cas, ça prendra le temps que ça voudra, pourvu qu'en septembre, le Canadien est vraiment... améliorer leur situation. Okay. Marc Fortier, notre collaborateur hockey.